peux essayer de trouver des trucs. Quand j'ai le même groupe, ça moi je change les basses aussi. Thank you. Thank you.